Je crois qu'il t'écoute. Quoi? Tu peux lui demander maintenant, il est alerté. Mais lui demander quoi? Pourquoi il ne dépose pas ses bagages? Je me le demande. Mais demande-lui, voyons. Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages, comme vous dites. Voilà. Vous êtes bien d'accord? Il souffle comme un phoque. Je vais vous répondre. Mais restez tranquille, je vous en supplie, vous me rendez nerveux. Viens ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il va parler. C'est parfait. Tout le monde y est. Tout le monde me regarde. Regarde-moi, porc! Parfait. Il sort un petit vaporisateur et se vaporise la gorge. Je suis prêt. Tout le monde m'écoute. Avance! Ah! Tout le monde est prêt. Alors quoi? Je n'aime pas parler dans le vide. Bon, voyons. Je m'en vais. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste? Pourquoi? Ne me coupez pas la parole! Si nous parlons tous en même temps, nous n'en sortirons jamais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Vladimir mime celui qui porte une lourde charge. Pouzou le regarde sans comprendre. Bagage. Pourquoi toujours tenir? Jamais déposer. Pourquoi? Quand j'y suis! Mais il fallait me le demander plus tôt! Pourquoi il ne se met pas à son aise? Essayons d'y voir clair. N'en a-t-il pas le droit? Si. C'est donc qu'il ne veut pas, voilà qui est raisonné. Et pourquoi ne veut-il pas, messieurs, je vais vous le dire. Attention! C'est pour m'impressionner, pour que je le garde. Comment? Je me suis peut-être mal exprimé. Il cherche à m'apitoyer pour que je renonce à me séparer de lui. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Vous voulez vous en débarrasser? Il veut m'avoir, mais il ne m'aura pas. Vous voulez vous en débarrasser? Il s'imagine qu'en le voyant bon porteur, je serai tenté de l'employer à l'avenir dans cette capacité. Vous n'en voulez plus? Et en réalité, il porte comme un porc, ça n'est pas son métier. Vous voulez vous en débarrasser? Il se figure qu'en le voyant infatigable, je vais regretter ma décision. Tel est son misérable calcul. Comme si j'étais un court d'homme de peine. Atlas, fils de Jupiter. Et voilà, messieurs, je pense avoir répondu à votre question. En avez-vous d'autres? Vous voulez vous en débarrasser? Remarquez que j'aurais pu être à sa place et lui à la mienne, si le hasard ne s'y était pas opposé. À chacun son dû. Vous voulez vous en débarrasser? Vous dites. Vous voulez vous en débarrasser? En effet. Mais au lieu de le chasser, comme j'aurais pu, je veux dire, au lieu de le mettre tout simplement à la porte à coups de pied dans le cul, je l'emmène, telle est ma bonté, au marché de Saint-Sauveur, où je compte bien en tirer quelque chose. À vrai dire, chasser de tels êtres, ce n'est pas possible. Pour bien faire, il faudrait les tuer. Ils pleurent. Les vieux chiens ont plus de dignité. Réconsolez-le, puisque vous le plaignez. Prenez! Essuyez-lui les yeux, comme ça il se sentira moins abandonné. Donne, je le ferai, moi. Et dépêchez-vous, bientôt il ne pleurera plus. Oh, le salaud, la vache! Mouchoir! Il m'a estropié! Je vous avais dit qu'il n'aime pas les étrangers. Fais voir! Il sait! C'est mon signe! Je ne pourrai plus marcher! Je te porterai! Le cas échéant. Il ne pleure plus. Vous l'avez remplacé, en quelque sorte. Les larmes du monde sont immuables. pour chacun qui se met à pleurer. Quelque part, un autre s'arrête. Il en va de même du rire. Ne disons donc pas de mal de notre époque, elle n'est pas plus malheureuse que les précédentes. N'en disons pas de bien non plus. N'en parlons pas! Il est vrai que la population a augmenté. Essaie de marcher. Estragon part en boitillant, s'arrête devant Lucky et crache sur lui. Savez-vous qui m'a appris toutes ces belles choses? Lui. Lucky. La nuit ne viendra-t-elle donc jamais? Sans lui, je n'aurais jamais pensé, jamais senti que des choses basses ayant trait à mon métier de... Peu importe. La beauté, la grâce, la vérité de première classe, je m'en savais incapable. Alors, j'ai pris un knook. Un knook? Il y aura bientôt 60 ans que cela dure. Bientôt 60. Et vous le chassez à présent? Un si vieux, un si fidèle serviteur. Fumier. Après en avoir sucé la substance, vous le jetez comme... comme une peau de banane. Avouez que... Je ne peux plus. Je ne peux plus. Supporter ce qu'il fait. Il ne pouvait pas savoir. C'est un fleuve. Il faut qu'il s'en aille. Je deviens fou. Je n'en peux plus. Il n'en peut plus. C'est affreux. Il devient fou. C'est dégoûtant. Comment osez-vous? C'est honteux. Un si bon maître, le faire souffrir ainsi après tant d'années, vraiment. Autrefois, il était gentil. Il me distrayait, il m'aidait, il me rendait meilleur. Maintenant, il m'assassine. Est-ce qu'il veut le remplacer? Comment? Je n'ai pas compris s'il veut le remplacer ou s'il n'en veut plus après lui. Je ne crois pas. Comment? Ne sais pas. Faut lui demander. Messieurs, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je vous demande pardon. Oubliez tout ça. Je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, mais vous pouvez être sûr qu'il n'y avait pas un mot de vrai là-dedans. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qu'on fait souffrir? Moi? Voyons. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pipe? Charmante soirée. Inoubliable. Et ça n'est pas fini. On dirait que non. Ça ne fait que commencer. C'est terrible. On se croirait au spectacle. Au cirque. Au musical. Au cirque. Mais qu'ai-je donc fait de ma bruyère? Il est marrant. Il a perdu sa bouffarde. Oh. Je reviens. Au fond du couloir. À gauche! Garde ma place! J'ai perdu mon Abdullah! Il est hors d'envie! Vous n'auriez pas vu! Oh! Il est parti! Sans me dire au revoir! Ce n'est pas chic! Vous auriez dû le retenir! Il s'est retenu tout seul! À la bonne heure. Venez par ici. Et pourquoi faire? Vous allez voir. Vous voulez que je me lève? Venez, venez, vite. Regardez. Oh là là. C'est fini.